Merci à vous, merci à tous, merci à l'organisateur de cette journée d'études. Mademoiselle de la Force, en avril 1973, les lecteurs de la clef de Quebenier des Princes de l'Europe ont été mis au courant de la nouvelle publiée par les éditeurs de cette revue dans la section contenant quelques nouvelles de littérature et autres remarques curieuses. Je cite « Mademoiselle de la Force, par les mauvais offices de quelqu'un vieux ayant été éloigné de la cour, trouva le moyen de faire présenter un placé au roi » qui lui occasionna son rappel à Versailles. Ce placé était en verre. Cependant, ces informations n'ont rien apporté de neuf à la cour et à la ville. Déjà le 14 janvier, le marquis de Dangeau note dans son journal « Mademoiselle de la Force, qui depuis plusieurs années avait ordre de ne pas paraître ni à la cour ni à Paris, a obtenu la permission de revenir en ce pays-là. Puisque la clef du cabinet paraissait hors des frontières de la France, grâce aux efforts conjoints de l'imprimeur luxembourgeois André Chevalier et de l'éditeur journaliste verdunois Claude Jourdain, on peut dire que la nouvelle du retour de Mademoiselle de la Force a été publiée à chaud. Ce qui pose question, c'est la raison pour laquelle cette nouvelle a suscité autant d'intérêt, la personnalité de l'exilé ou bien la requête en vers dont la copie est tombée dans les mains des éditeurs. Ces dernières avaient visiblement un faible pour les genres littéraires de ce genre. Par exemple, en février de la même année, dans la clef du cabinet, parut un sonnet servant d'horoscope au roi Louis le Grand. Et en septembre, un poème en forme d'horoscope sur l'enfant d'un magistrat qui vient au monde au mois de mars dernier, sous la plume du célèbre père du Cerceau, jésuite et fort bon poète. Pour ce que concerne Mademoiselle de la Force elle-même, il est difficile de dire en quelle mesure son nom était connu des lecteurs de la clef du cabinet. Bien que ses œuvres en prose soient populaires et fussent rééditées régulièrement, elles sont presque toutes parues de manière anonyme ou avec l'indication en tant que l'auteur de Mademoiselle de. Ces rares œuvres poétiques publiées de bonne grâce par le Mercure Galant faisaient exception, pardonnez-moi. Dans tous les cas, puisque Jourdain et Chevalier plaçaient sa requête dans la section contenant quelques nouvelles de la littérature et autres remarques curieuses, et non dans celle contenant ce qui s'est passé de considérable en France depuis le mois dernier, comme c'était le cas du sonnet Horoscope, il s'agissait précisément d'un événement qui était considéré au premier lieu comme littéraire. D'après les échos des contemporains, Mademoiselle de la Force n'était pas seulement auteur, mais aussi une sorte de personnage littéraire, héroïne d'un roman oral dont les péripéties étaient bien connues à la cour et à la ville. Comme remarqua en 1696 Jean-Baptiste Dubois, le roman le plus réjouissant qu'elle puisse faire serait son histoire si elle voulait l'écrire sincèrement. Les multiples anecdotes relatant ses aventures, dont on trouve des exemples dans la correspondance de Madame, qui pensa elle-même que la vie de cette demoiselle est un roman, palliaient l'absence de ses propres écrits autobiographiques. Le filet dans la clef du cabinet suit cette même logique romanesque. Les intrigues des envieux, l'éloignement de la cour, la requête versifiée, la grâce accordée. Cet « emplotment », selon la terminologie de Hayden White, pouvait cacher l'ignorance élémentaire des circonstances réelles, parce qu'il s'agissait des événements d'il y a 16 ans, au reste bien connus et dont on a débattu et compris dans la presse. Mais on ne saura écarter l'hypothèse que la situation avec la requête faisait partie d'un certain scénario, autant personnel qu'imposé à l'écrivaine par toute une série de circonstances grâce auxquelles son exil est devenu un élément d'un jeu politique et littéraire. Essayons donc de reconstituer ces possibles contours. L'histoire de la disgrâce de Mademoiselle de la Force, malgré sa simplicité apparente, pose beaucoup de questions. Prenons le journal de Dangeux comme un point de départ. Le 15 février 1687, il écrivait « Mademoiselle de la Force, qu'on appelle communément Madame de Bruau et qui a une pension de roi de 1000 écus, a ordre de se retirer dans un couvent hors de Paris, moyennant quoi on lui conserva sa pension. Le marquis ne commande pas cette décision sûrement à la cause de son insignificance. Charlotte Rose de Camon de la Force appartenait à la branche cadette et très appauvrie de la haute noblesse qui confessa la religion soi-disant réformée. Elle était dans un temps, elle était la demoiselle d'honneur de la reine Marie-Thérèse, puis justement en 1780, demeurait auprès de la mademoiselle de Guise. Quand, après l'annulation de l'édit de Nantes, le duc de Lafort, cousin de Charlotte Rose, régna le protestantisme, apparemment, elle avait suivi son exemple. Ce qui explique la pension de 1000 écus mentionnée par Dangeau. Cette pension était octroyée par le roi au nouveau converti en guise de l'encouragement. Dans tous les cas, au moment déposé en mai 1697, Charles de Bruau, Mademoiselle de la Force appartenait déjà à l'Église catholique. Quand, après un procès retentissant, son mariage a été annulé, cette pension est devenue l'un de ses rares ressources. Dans les annales de la cour de Paris pour les années 1787 et 1798, attribué à Courtilde de Sandra, qui rassemble les rumeurs, les commérages et les nouvelles scandaleuses de l'époque, près de 10 pages sont consacrées à l'exil de Madame Mademoiselle de la Force. Entre autres, selon les informations de l'auteur des annales, le roi lui fit dire qu'elle n'avait pas qu'à choisir des deux choses, l'un, ou de sortir du royaume, ou s'en aller dans le couvent. Ce fut une coupe de foudre à ses filles qu'un ordre comme celui-là. Cependant, comme il n'avait point à marchander avec le roi, elle choisit le couvent, à condition toutefois que Sa Majesté lui donnera de quoi y payer sa pension. Car bien qu'elle ait eu beaucoup d'intrigues, elle ne laissait pas d'être si gueuse qu'elle n'avait pas de quoi se nourrir. Peut-être que si elle eût été plus riche, elle n'eût été gardée de s'aller ainsi sans se livrer toute vive entre quatre murailles. Mais comme la nécessité oblige à faire bien des choses, il lui fut impossible de prendre une autre partie que celui-là. Le scénario proposé par Coutil de Sandra n'est pas si rare que ça est fort probable. De nombreux exemples montrent que l'exil était perçu de deux manières différentes. D'une part, comme un exil hors de pays et qui n'entravait pas la liberté de mouvement mais rendait compliqué un possible retour. Et d'autre part, comme une forte restriction de la liberté en échange de la possibilité de demeurer à l'intérieur du pays. Selon la formule pratique, mais pas tout à fait juste, du dictionnaire de l'Académie, on appelle bannissement ce que demande une procédure judiciaire et l'exil un éloignement suite à un mécontent de la cour. La situation de Mademoiselle de la Force peut être définie précisément comme l'exil. Et elle utilise effectivement ce terme-là dans sa requête poétique à Louis XIV. Je cite « Mon exil vous voile à mes yeux ». Puisqu'il s'agit d'une mesure extrajudiciaire, elle n'a pas de paramètres définis et en principe n'y demande pas d'explication. Essayons cependant de saisir par quoi Mademoiselle de la Force a été attirée les ires de la cour. D'après Clotilde Sandra, les causes de son exil sont les mêmes que pour la Mademoiselle de Soissons, dont le roi a voulu réformer la conduite. Marie-Jean de Savoie, Mademoiselle de Soissons, l'une des filles du comte de Soissons et d'Alimp Mancini, était bien plus jeune que Mademoiselle de la Force et était connue par ses mœurs galantes. Au début de l'année 1697, elle fut mêlée à un scandale qui, bien que banal, a eu des suites notoires. Le 18 janvier, c'est-à-dire un mois avant l'exil de Mademoiselle de la Force, le marquis de Dangeau écrivait dans son journal. Messieurs le bailli d'Auvergne et le chevalier de Caluz s'est bâti à Paris, auprès de l'abbaye de Saint-Germain. Ils sont blessés tous deux. Ce n'est pas un duel, mais on ne laisse pas de craindre que cela ne le fasse une très mauvaise affaire auprès du roi, qui a ordonné qu'on fît des informations très sévères. On prétend que ce sont des demoiselles qui sont causées ce combat et on accuse Mademoiselle de Soissons et Mademoiselle de Chambonneau. Bien que Dangeau ne qualifie pas ce combat comme un duel, apparemment parce que c'était un conflit spontané. Cependant, les participants ont dû quitter la France et le bailli fut pendu en effigie à la greffe. Je cite duc de Saint-Simon, de cette dernière-ci, avec un grand regret de sa famille, non pas du jugement, mais de sa forme, parce que le Parlement, qui ne connaît des princes que ceux de sang, y précéda comme pour le plus obscur gentilhomme. Autrement dit, la bagarre a été qualifiée de duel, ce qui entraîna une procédure juridique qui devait se terminer par une peine de mort, mais puisque les duellants se sont sauvés, ils ont été bannis de fait. En revanche, les dames qui avaient soi-disant provoqué la dispute ont été punies hors jugement, étant précisé que, moyennant des formules légèrement différentes, on a leur proposé quelque sorte entre le bannissement et l'exil, puisqu'ils conservaient le droit de circuler à l'intérieur du royaume, excepté la cour et Paris. À la suite de Mademoiselle de Soissons et de la Mademoiselle de la Force, Clotilde Sandra évoque une certaine Madame Thomur, qui, quoiqu'elle fût mariée et que son mari, qui était capitaine des galères de Versailles, fut aussi docile pour ne se point plaindre de sa conduite. Mais le roi, qui avait déclaré hautement devant toute la cour qu'il ne voulut pas souffrir qu'on donnât aucun scandale à son prochain, sachant qu'elle était assez charitable pour consoler un vieux Suisse de la perte qu'il avait faite de sa femme, il a fait enfermer parmi les filles repenties. Ainsi, il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une campagne ciblée pour les mœurs plus austères, dont les victimes étaient surtout les dames et les abbés galants. Selon toute probabilité, cette campagne était liée à l'arrivée en France en automne de 1696 de Marie-Adélaïde, princesse de Savoie, destinée à épouser le duc de Bourgogne. C'est la raison du nettoyage de la cour royale et du éloignement de ceux qui, à l'exemple de Mademoiselle de Soissons, avaient des liens de parenté avec la princesse et pouvaient prétendre à une place dans son entourage. Cependant, cela n'aurait pas dû toucher Mademoiselle de la Force, qui n'avait pas à ce moment-là de position à la cour et qui n'avait pas de lien de parenté avec la maison de Savoie. Par ailleurs, les aventures galantes dont la causée ses contemporaines concernaient les 10 années précédentes. Ni Courtil de Sandra, ni Dubois, ni même la duchesse d'Orléans ne mentionnent pas d'intrigue amoureuse après 1699. Il est pourtant possible que Mademoiselle de la Force espérait se rapprocher de Maria Adélaïde, d'autant plus qu'à l'époque, elle a été la protégée de sa mère, Anne-Marie d'Orléans, nièce de Louis XIV. Ainsi, le numéro de mars de 1684 du Mercure Galant fut publié sa ballade pour le prochain mariage de Anne-Marie avec Victor Amédée de Savoie. Et on mentionne encore là un poème publié de manière anonyme dans le numéro précédent. Selon l'éditeur, Mademoiselle de Navailles, Mademoiselle de la Valette et Mademoiselle de la Force, en désirant faire un cadeau galant à la princesse, lui enverra le premier jour de l'année un gentilhomme qui lui présenta un petit ramoneur de cire portant une boîte pleine de bijoux, tenant dans sa main les vers composés par Mademoiselle de la Force. Par ailleurs, le fait que Mademoiselle de la Force se sont tournées vers l'écriture des contes peut également témoigner de ses intentions. Avant le recueil Les Contes des Contes, elle n'écrivait que des romans historiques qui rencontra un succès important. Et s'appuyant sur le privilège daté de juillet 1697, elle n'est mise à écrire les contes soit peu de temps avant son exil pour complaire à la future duchesse de Bourgogne ou soit juste après, dans l'espoir d'être graciée. Le premier semble plus probable puisque dans le futur, Mademoiselle de la Force est revenue au récit historique. Ainsi, on ne peut pas écarter l'hypothèse que la disgrâce de Mademoiselle de la Force s'explique par le désir du roi de protéger la jeune princesse du contact avec une dame de réputation douteuse qui pouvait lui plaire par son don de conteuse d'histoire. Pour cela, il n'y avait nul besoin de l'éloigner, de l'envoyer dans un couvent. Il suffisait de lui interdire d'approcher la cour de Paris, comme dans le cas de Mademoiselle Chambonnat. Cependant, il y a dans ce cas-là deux circonstances aggravantes. Comme on peut le voir dans une lettre de Madame de Maintenon, qui date de 1694, le roi avait des doutes concernant l'insincérité du retour de Mademoiselle de la Force au sein de l'Église catholique. Et c'était sérieux. Par ailleurs, sa situation matrimoniale était bien plus était bien plus compliqué que ce qu'on pense d'habitude. Tout porte à croire que le procès judiciaire de 1689 n'a pas mis fin à sa relation avec Charles de Brieux. Les mots de Dangeau, elle appelle communément Madame de Brieux, l'indiquent de manière allusive. C'est-à-dire que malgré l'annulation du mariage, il continuait d'exister aux yeux de la société. Plus encore, dans sa lettre à Belle de 10 février de 1696, l'abbé Dubois écrit que quand Charles de Brieux a atteint 30 ans. Il a de nouveau épousé son bien-aimé, à cause de quoi son père l'a privé de l'héritage. Si Dubois a raison, cela devait arriver en 1692, ce qui correspond au début d'une activité littéraire intense de Mademoiselle de la Force, qui a fait paraître plusieurs romans et un recueil de contes en un temps très court. Cependant, selon les informations données par le même Dubois, en printemps de 1696, Brioux a dissous ce second mariage avec l'écrivaine et épousa tout de suite une autre femme. Autrement dit, en 1697, Mademoiselle de la Force fut privée même de ses statuts semi-officiels. L'abbé Dubois, qui s'intéressa à sa carrière, propose une autre explication de la disgrâce et de l'exil de l'écrivaine. Mademoiselle de la Force, je cite, va faire des livres plus que jamais. Elle est en lieu où elle ne sera plus distraite. Le roi lui a donné ordre de sortir de Paris et de se retirer à la baie de Malnoux si elle voulait conserver sa pension de 1000 écus comme nouvelle convertie. Pour ne pas mourir de faim, elle obéit aux préceptes et aux conseils et s'en va vivre à Malnoux. Ce ne sera point vivre pour elle, ce ne sera pas mourir. Outre ses déportements passés, elle est chargée du crime devoir faire quelques couplets de Noël qui ont trop couru ici pour n'avoir pas été jusque chez vous. Je dis crime parce qu'il y a des couplets atroces. À la contre de Clotilde de Sandra, contrainte de vivre en Hollande, Dubois se trouvait à Paris et ses relations à la cour et dans les milieux littéraires étaient suffisantes pour qu'il puisse être bien informé. Pourtant, il faut prêter attention à sa prudence. Mademoiselle de la Force est accusée de la composition du Noël, mais il n'insiste pas nulle part qu'elle était son auteur. Belle le fait à sa place, il réagit à la nouvelle déjà le 3e mai. Les Noëls de Mademoiselle de la Force ont couru en manuscrit toute la Hollande. On me les lu il y a quelque temps et j'ai trouvé non seulement qu'ils sont satiriques, mais même impies en bien des endroits. Si les femmes continuent à étudier et à faire des livres, il est à craindre qu'elles ne s'en tournent du roman au raisonnement et qu'elles ne donnent tête baisse dans le libertinage de religion. Ces lignes sont publiées déjà en 1714, et leur éditeur, Prosper Marchand, en retranchant le nombre de destinaires, laissa dans le texte l'évocation de Mademoiselle de la Force, en commentant pour les lecteurs protestants ce qui est le Noël. Ainsi, l'hypothèse relatée par Dubois fut en quelque sorte confirmée par Bayle et obtint le statut d'un fait historique soutenu pour la puissance de la créateur du dictionnaire historique critique. Difficile de dire si ce manque de tact de l'éditeur a eu des conséquences pour Mademoiselle de la Force qui venait tout juste d'être graciée. Dans tous les cas, cette histoire avec les Noëls est devenue inséparable de sa biographie. Parmi les manuscrits du XVIIe siècle publiés dans les années de la Révolution, on trouve un texte poétique intitulé « Noël de la cour de 1696 ». Il commence de manière traditionnelle. « Pour bien chômer la fête de ce jour solennel, ça que chacun s'apprête, amis, chantons Noël. » Après se mettre à rendre la procession de ceux qui viennent s'incliner devant l'enfant Jésus, tout aussi traditionnel, avec le roi Louis et le madame de Maintenon en tête. Le grand Louis s'avance avec la maintenant. Faisant la révérence, il s'adresse au poupon. Avec le Montespan, âge que je fais d'offense. J'ai péché tout de bon, dondon, mais avec cela, là, là, j'en fais la pitinance. Plus vieil qu'aucune mage, l'Ascaron d'autrefois, grâce à son mariage, prit le pas sur les rois. Le poupon qui la vit avec son air magique appela le démon dondon et dit « Reporte là, là, là, au fond de l'Amérique. » Et là, il y a 42 strophes dans tout le poème. Et à peu près 55 personnages individuels, le duc d'Orléans, Fénelon, Danjou, etc., etc., et plusieurs collectifs, les Bigots, les Jésuites, etc. Une grande part de la liste est occupée par des ecclésiastiques, des cardinaux, archevêques, évêques, prédicateurs, etc. Ainsi, le cardinal de Bouillon s'inquiète auprès de l'enfant Jésus de sa généalogie. S'il n'a pas dû falsifier ses documents pour berner Mabillon et tout son entourage. Et l'archevêque de Reims avoue des relations incestuelles avec ses nièces. C'est probablement une des accusations les plus sérieuses qu'on trouve dans ce Noël. Le reste peut être simplement qualifié de médisance. Est-ce que c'est le Noël qui a causé la perte de Mademoiselle de la Force? Souvenons-nous, Dubot a désigné certaines de ses couplets d'atroces. Et Belle trouvait qu'il était impie. Cette définition se marie difficilement avec le texte en question, qui est plutôt anticlérical. Même en écartant la question des convictions de Belle, lui-même protestant accusé d'indifférence religieuse, il est douteux qu'il puisse voir de l'athéisme dans la critique des hiérarchies de l'Église catholique, autant plus qu'elle vise leur vice personnel. En général, cette satire avait plutôt un penchant politique, mais dans le cas de Noël, dans tous les cas, ce Noël est plus modéré que Alléluia traditionnellement inclus dans l'histoire amoureuse de Gaulle, Debussy, Rabutin, de moins grâce à l'absence de grossièreté et indécence voulue. On pourrait laisser de côté tous ces détails parce que l'intention du texte était suffisante pour son accusation et l'optique d'un chercheur différent trop du regard d'un homme du XVIIe siècle. Cependant, nous disposons d'encore une opinion d'une lecteur contemporaine qui change beaucoup la donne. Si l'on croit le récit du culte de Sandra, dans les couplets qu'il connaissait, la place centrale était occupée par des dames à l'ardeur excessive. Je cite, « L'histoire de chacune y était rapportée au naturel et sans qu'on ait pris la peine de tirer le rideau. » Parce que, qu'ils ne sont pas bons de découvrir aux autres les défauts d'autrui, cette peinture était capable d'en faire rentrer plusieurs en elle-même. Mais il n'y a pas de pis dans ces Noëls, c'est qu'il régnait une si grande impiété que cela fit horreur jusqu'à ceux qui avaient le moins de religion. De nouveau, on pourra délibérer quant aux nuances de l'impiété, mais le commentaire qui désigne des dames fougueuses ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un autre texte, puisque dans le texte qui était publié pendant la Révolution, les femmes ne sont pas évoquées pratiquement. Cela ne veut pas dire que l'œuvre citée plus haut n'a rien à voir avec le Noël attribué à Mademoiselle de la Force. Sa taille, l'absence d'une organisation thématique hiérarchique du couplet et des personnages témoignent d'un regroupement aléatoire, dû visiblement au développement du volume. Il est temps de se souvenir de l'appel placé à la fin du premier couplet. Chacun s'est empressé pour voir le Dieu fait homme à ma relation don-don, quand que plus aura Lala peut ajouter une tome. Et qu'on vient de le comprendre littéralement comme une sorte de description qui procède de composition. On ne peut pas écarter l'hypothèse que nous avons devant nous ce fameux Noël qui était préservé grâce à son version plus innocente. Dans les autres versions pouvaient figurer les mêmes premiers couplets, par exemple le début, mais la suite était totalement différente. Dans ce cas, ce texte était totalement inutile de rechercher l'auteur, puisqu'il s'agit d'une œuvre collective, parfaitement caractéristique pour la culture des salons du XVIIe siècle. On pourrait supposer que ce Noël commençait comme un jeu de salon, quand chaque participant proposait son couplet sur un thème donné. C'est ainsi qu'on apparut naguère la fameuse guirlande de Julie, composée madrigal à l'honneur de Mademoiselle Rambouillet. Mademoiselle de la Force est l'un des rares auteurs du XVIIe siècle qui nous a laissé une description détaillée des jeux de salon. Il a utilisé dans ce but la forme de la promenade qui remonte au récit encadré de la Renaissance. C'est le jeu d'esprit ou la promenade de la princesse de Conti a eu, qui transporte le lecteur à l'époque de la régence de Marie de Médicis. Ces personnages, parmi lesquels on trouve la princesse de Conti, le duc de Guise, la princesse Henriette, le maréchal Bassompierre, on s'éloigne pour un certain temps de la cour, passe quelques semaines dans la ville où chasse la promenade, la belle conversation, la musique et les verres les occupent agréablement. Par ailleurs, chaque jour décrit est dédié à un des jeux. Jeu de songe pour et contre, jeu du courrier, et l'apophéose, c'est le jeu du roman, dont les règles sont expliquées par la princesse de Conti. Prenons un sujet véritable d'histoire, que tout le monde connaît. Nous savons tous comment on y joue, mais il serait à propos qu'en gardant les caractères, on s'entendit plus qu'on a coutumé de faire. Après le choix d'une époque et d'un thème, Bassompierre commence le récit et présente les personnages principaux. Puis passe le relais au marquis de Créqui, etc., etc. Ce qui est remarquable, c'est que ce texte n'était pas publié. C'est la mention de la princesse de Conti. Mon hypothèse est que ce texte était adressé à la princesse de Conti de 7 ans, qui était contemporaine de Mademoiselle de la Force, et que Mademoiselle de la Force, via ce texte, elle essayait de faire la princesse s'agit de présenter sa place au roi. It's okay. Mademoiselle de la Force avait ses entrées auprès de cette princesse de Conti, à qui elle avait dédié son premier roman, L'histoire secrète de la Bourgogne. La promenade pouvait sans doute être perçue comme un compliment à la porteuse du titre et lui être directement adressée. Puis, plus encore, si le couplet provenant de ce cercle, il est parfaitement compréhensible pourquoi la punition a tenu un membre peu éminent du cercle. Cependant, les Noëls eux-mêmes ne soutiennent pas cette hypothèse, puisqu'ils se moquent de manière acerbe de la princesse. Je ne cite pas. Pourtant, il est possible que c'est une bonne direction pour une recherche plus approfondie. Selon Curtis de Sandra, les rumeurs attribuaient le Noël à une dame d'une condition très relevée, parce que son esprit était à peu près tourné de cette manière. Dans cette caractéristique, on peut deviner les traits d'une autre fille de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Louis-Françoise a été donnée en mariage à Monsieur le Duc et était connue par son caractère moqueur, ou comme on disait à l'époque, satirique. Dans cette Noël, on peut trouver une allusion également à son caractère dans les strophes qui sont dédiées à Louis-Françoise. Madame la Duchesse, de son air enjoué et du ton de princesse, dit à son nouveau-né, bien qu'entre les objets rien ne m'apprête à rire, cette pauvre maison dont à peine échappera Lala au trait de ma satire. Et je conclue. La probable participation des filles des lois du roi à la création des Noëls scandaleux pourrait expliquer beaucoup de choses dans le destin de Mademoiselle de la Force. Dans ce cas, l'écarté de la cour n'était pas uniquement sa propre punition, mais aussi celle de la princesse fautive. C'est une tactique confirmée par le temps, utilisée par Louis XIII et Louis XIV. Et les réactions de l'écrivaine avec les milieux libertins et l'histoire de son mariage annulé permettaient de présenter son exil comme une mesure, comme une mesure pour corriger ses mœurs.